L'actualité scientifique, voici Fabienne Chauvière, les Saventuriers. Bonjour Fabienne. Bonjour Pierre. De nombreux parents se posent cette question. Quel est l'impact du numérique sur le cerveau de nos enfants? Et vous avez rencontré Fabienne, une chercheuse qui a mené des travaux autour de ce sujet très contemporain. Elle s'appelle Elena Pasquinelli. Elle est chercheuse en sciences cognitives et philosophe à l'Institut Jean Nicot qui dépend de l'École Normale Supérieure. Elena Pasquinelli est italienne, spécialiste de l'apprentissage et elle est membre de l'association La Main à la Pâte. Elle est l'auteur de « Comment utiliser les écrans en famille ». Le livre vient de paraître aux éditions Odile Jacob. Cette maman de deux enfants, utilisateurs eux-mêmes d'écran, dit que les tablettes ou autres smartphones peuvent affecter les capacités d'attention. Pourtant, on pense tous être capables de faire plusieurs choses en même temps. C'est exactement cela. On se fait un peu l'illusion d'être, on dit, multitâche. Or, si ces tâches demandent notre attention, en réalité, nous passons rapidement d'une tâche à l'autre, mais nous ne les menons pas réellement en simultané. Ce qui veut dire que si une tâche s'ajoute, elle nous distrait de la première. Si un écran, un téléphone s'est mis à sonner, si un SMS arrive, ça va nous attirer vers lui et nous distraire de l'autre tâche. Donc oui, les écrans, comme beaucoup d'autres choses, quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille aussi, vont nous distraire de la tâche qu'on était en train de mener. Fabienne, on entend dire souvent que les ordinateurs favorisent l'apprentissage. Mais Pierre, si une potion magique pour apprendre existait, tout le monde s'en serait emparé. En fait, on apprend différemment à l'ère du numérique. Comme toute technologie pensée pour apprendre, il y a du bon et il y a du mauvais dans les écrans pour apprendre. Il faut sûrement les concevoir selon des principes pédagogiques solides. Et ce sont ces principes pédagogiques qui, au fond, permettent d'apprendre, mettre des récompenses au bon moment, permettre à l'enfant de s'exercer sur du concret, de répéter ses tâches, d'avoir un défi à sa taille qui s'adapte à ses difficultés. Ce sont des principes pédagogiques qu'en réalité, les jeux vidéo ont importés de façon intelligente pour nous accrocher et nous faire continuer à jouer et nous faire gagner un certain moment. Donc, au fond, on pourrait dire l'inverse, c'est-à-dire que ce sont les jeux vidéo qui ont appris des bons principes de l'apprentissage. Est-ce que ça veut dire qu'il faut laisser les enfants jouer aux jeux vidéo? Ce n'est pas parce qu'on joue beaucoup qu'on apprend. Il existe des jeux qui permettent d'apprendre, mais ce n'est pas le cas que tous les jeux permettent d'apprendre autre chose que le jeu lui-même. Donc, si on espère entraîner son attention, d'autres capacités dites générales, qui ne sont pas si générales que ça, en jouant à des jeux vidéo, on risque d'être déçu. Même les études qui montrent des effets positifs montrent que ces effets sont petits et ne sont pas vraiment capables de montrer que ces effets durent dans le temps ou que ça transfère dans la vie de tous les jours. Et pour Elena Pasquinelli, les logiciels, aussi bien faits soient-ils, ne remplaceront jamais un enseignant. Mais alors finalement, Fabienne Chauvière, les écrans sont-ils bénéfiques ou néfastes? On ne peut pas les éviter, il faut donc savoir ce qu'ils sont. Des machines qui nous attirent fortement et auxquelles il est assez difficile de résister. J'estime surtout qu'ils sont comme des gâteaux pour notre cerveau, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on va les rencontrer, à un certain moment, on va les trouver délicieux. Et on risque donc de délaisser la salade, qui est un peu moins délicieuse, mais qui fait du bien à la santé. C'est dans cette idée que si on peut retarder le moment où on fait découvrir ces outils, on aura permis d'avoir une période de temps où on aura découvert d'autres choses, on sera passionné, par exemple, pour les livres, à la place de faire des choix plus faciles trop tôt, qui après rendent difficile de revenir en arrière et de faire des choix plus difficiles, de choisir l'effort. Qu'est-ce que vous conseillez aux familles qui ont des enfants qui sont attirés par les écrans? Des conseils d'ordre général sont ceux de chercher à comprendre comment notre cerveau réagit face aux écrans et le comprendre avec les enfants. Discuter avec eux du pourquoi on pense que jouer toute la nuit n'est pas nécessairement indiqué pour le cerveau ou pourquoi, si on se met à jouer, on aura du mal à arrêter un certain moment si on ne se donne pas des règles avant. Si on explique cela, on peut chercher ensemble des stratégies intelligentes pour se auto-régler. Elena Pasquinelli est l'auteur, donc, je rappelle, de « Comment utiliser les écrans en famille », un livre paru chez Odile Jacob et destiné à aider les parents désorientés devant l'utilisation des appareils numériques par les enfants, les Saventuriers, avec Fabienne Chauvière, à réécouter sur le site du 6-9 franceinter.fr.